Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On va commencer, inshallah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-kareem. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. On commence donc maintenant la sixième partie dans l'explication de cette risala du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Rahimahullah. Dans son livre « Hukmul ihtifal bil mawlid wa rad ala man ajazahu » c'est-à-dire le jugement de l'islam au sujet de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, communément appelé « al-mawlid » et la réfutation de celui qui le permet. Donc cette explication de ce livre par le Cheikh Mustafa Mubrim, elle a été diffusée durant le séminaire qui a eu lieu organisé par les frères du Sénégal dans la daura de Malik ibn Anas, la daura de l'imam Malik ibn Anas. Et donc, ça a été divisé en trois cours. Et aujourd'hui, on est toujours dans la deuxième partie, le deuxième cours. Hein? Pour nous, ça équivaut à la sixième partie aujourd'hui. Donc on va, Inch'Allah, terminer cette partie-là aujourd'hui, c'est-à-dire la deuxième partie. Il va nous rester ensuite de ça le troisième cours à traduire. Et je pense que, bi'idhnillah, on pourra le compléter en deux ou trois cours après. Donc, le Cheikh, il explique maintenant la réponse à la Shubha numéro 3. Et la troisième shubha, je crois qu'on avait expliqué hier que la troisième shubha, c'était la réfutation de ceux qui divisent les bid'a en différentes catégories. Hein? Donc, on l'avait expliqué, c'était la deuxième shubha. La troisième shubha, hein, c'est ceux qui se basent sur la parole de Omar ibn al-Khattab, Ni'matul bid'a hadihi. Donc ça, c'est la troisième. Et donc, on avait commencé à expliquer la réponse à ce sujet. Et qu'en réalité, ces gens de bid'a ont déformé le sens de la parole de Omar et l'ont appliqué dans un contexte qui est totalement inapplicable et différent totalement de ce que Omar ibn al-Khattab, ce pourquoi Omar ibn al-Khattab l'avait prononcé ou l'avait exprimé. Et donc on a expliqué ça, on a expliqué également que parmi les preuves que cette parole est hors de son contexte, c'est que déjà à la base, le tarawih, hein, la prière de la nuit, derrière un seul imam dans la mosquée, ce n'est pas une bid'a au sens religieux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait plusieurs fois. Et il a même également mentionné les récompenses, hein, de celui qui reste derrière l'imam jusqu'à la fin de la prière de nuit, hein, jusqu'à la fin du tarawih, et qu'il aura la récompense d'avoir prié la nuit entière. Donc ça, c'est parmi les preuves qui montrent que c'est quelque chose qui est légiféré. Et la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cessé de le faire pendant la suite du temps ou le reste du temps, c'était parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas que, ou il craignait que cela devienne une obligation pour les musulmans et que ce soit trop lourd pour eux, trop difficile pour eux. Alors, pour leur rendre la religion facile et pour que la religion reste facile pour eux, eh bien, il a cessé de le faire. Et par conséquent, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, c'est lui le premier, hein, qui a fait revivre cette sunna. Et par conséquent, dans le sens linguistique, on peut dire à ce sujet-là qu'il a fait une bid'a dans le sens linguistique, c'est-à-dire que c'est lui le premier qui l'a fait après la mort de celui qui l'a légiféré, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Abu Bakr radiallahu anhu, lui, ne l'avait pas fait, et c'est seulement Omar ibn al-Khattab qui a pensé à le refaire, hein, à faire revivre cette sunna à l'époque de son khilafa. Par conséquent, quand il a dit cette parole, donc « ni'matul bid'a hadihi », c'était dans ce sens-là, dans le sens linguistique et non pas le sens religieux. Donc ça, on a expliqué. Et également, Cheikh, il explique ici, il dit que dans ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, comme c'est rapporté par les sunan, et également l'imam Ahmad l'a mentionné, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna ar-rajul idha salla ma'a al-imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyam layla » Lorsque une personne, un homme, prie derrière l'imam jusqu'à ce que l'imam s'en aille, lorsqu'il termine, eh bien, il lui sera écrit la récompense d'avoir prié la nuit entière. Donc, il dit, le cheikh, qu'il y a dans ça une incitation à faire la prière de nuit durant le ramadan derrière l'imam. Et que cela fait partie des choses qui sont confirmées et qui font partie donc de façon générale de la sunna. Et les gens, donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient l'habitude de le faire. Ils l'ont fait pendant un certain temps en groupe, et ils l'ont fait également de façon individuelle, chacun priait individuellement et ainsi de suite. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait approuvé, ça c'est également une preuve que cette chose-là est légiférée. Et il y a donc une réfutation de celui qui essaie d'utiliser cette parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour essayer de prétendre que il y a des bid'ahs qui sont louables ou qui sont bonnes. Donc il n'y a pas d'argument pour eux dans cette parole-là. Et ensuite, le cheikh, il dit, pourquoi ces gens-là, ils n'essaient pas de clarifier la règle par rapport à ce sujet-là? Pourquoi ils n'essaient pas d'établir le principe sur lequel ils se basent pour établir cette règle? C'est-à-dire, essayer de nous établir ou de nous ramener comme preuve, des preuves ou un argument ou une raison ou une logique qui justifierait que on pourrait utiliser la parole de Omar comme preuve pour justifier ou rendre acceptable les bid'ahs, en partant de cette analogie de la parole de Omar. Ça voudrait dire que toute bid'ah qui se produit devait être rendue bonne ou acceptable, et il faudrait dans ce cas-là établir que d'autres ont utilisé comme argument et comme preuve la parole de Omar pour justifier que les sahaba ont utilisé cette parole-là pour justifier des innovations, d'autres innovations. Et bien entendu, on sait déjà qu'en partant, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, déjà de un, c'est un parmi les khulafa al-Rashidin, un parmi les plus savants de l'islam, un parmi les plus proches compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui ainsi que Abu Bakr radiallahu anhuma, qui était le meilleur de cette umma après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Ensuite, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Et après, quand on tient compte de tout ça, on n'imagine même pas qu'il pourrait innover ou faire des bid'ah. Jamais. C'est inconcevable. D'accord? Et déjà, on a expliqué le principe dans les cours précédents que on n'a pas le droit de mettre une parole d'un compagnon au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le degré de science et de piété de ce compagnon-là. Donc ça, c'est déjà compris. Et ensuite, si on tient compte du fait que, comme on l'a dit, les sahaba, ils ne font pas d'innovation ou de bid'ah, et au contraire, ils détestent les innovations et ils combattent les bid'ah. Donc, d'où est-ce qu'ils pourraient nous ramener une preuve ou un argument que d'autres parmi les compagnons auraient utilisé cette parole de Omar pour défendre ou supporter la pratique d'innovation dans l'islam. Jamais. Il n'y en a pas de preuve de ça. Il n'y a pas de référence par rapport à ça. Donc ça, ça détruit complètement leur argument. Et ça vient montrer que ce qu'ils font et ce qu'ils utilisent comme argument dans la parole de Omar ici n'est pas une preuve en leur faveur. Hein. Et il dit, le cheikh ensuite, que l'erreur de ces gens-là, elle vient du fait que... Et ça, c'est une chose qui se retrouve présente. Hein. Cette erreur-là, elle est présente également dans toute personne qui suit sa passion et qui se détourne ou qui essaie de détourner les paroles de leur contexte et qui essaie de jouer avec le sens des paroles pour essayer de justifier ce qui est faux. Eh bien, on voit que l'erreur de cette personne qui utilise cet argument, qui utilise la parole de Omar comme justification ou comme excuse ou comme prétexte pour justifier cette la bid'a du Maulid, par exemple, eh bien, c'est que ces gens-là, en réalité, ils, comme le cheikh l'a expliqué, ils déforment le sens de la parole et le fait sortir de son contexte. Donc c'est ça. Ils ne tiennent pas compte. L'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la raison pour laquelle Omar radiallahu anhu avait prononcé cette parole-là. Hein? Et ils ne tiennent pas compte du fait que, également, aucun des sahaba n'a utilisé cette parole-là pour justifier ou supporter une bid'a quelconque. D'accord? Donc, Donc, les seuls qui sont pas d'accord avec les sahaba dans ce sujet-là sont les rafidah. Les rafidah, c'est les shi'a. Hein? Une secte parmi les sectes des shi'a qui est la secte la plus répandue, hein, celle qui a le plus grand nombre d'adeptes parmi les sectes des Shia, et c'est elle aussi qui est une des plus extrémistes parmi les sectes des Shia, et qui font le takfir des Sahaba, et qui les insultent, et qui ont beaucoup d'autres formes de kufr et de shirk, comme par exemple la négation du qadar, la négation des attributs d'Allah, ainsi que l'adoration des morts et des tombes, et toutes sortes d'autres formes d'égarement et de bid'a aussi. Et donc, les rafida, par exemple, eux, ils rejettent le tarawih. Ils ne croient pas en le tarawih. Hein? Et le cheikh, il mentionne cela. Il considère que le tarawih, c'est quelque chose de mauvais. Déjà parce que ils accusent justement probablement Omar, parce que eux, ils détestent Omar ibn al-Khattab. Les Shia détestent Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc ils l'accusent probablement d'avoir inventé le tarawih, alors qu'on sait très bien que c'est pas lui qui l'a inventé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a légiféré. Donc il y a personne qui contredit dans le fait que il dit فَلَا يُخَالِفُ أَحَدٌ مِمَّنْ يَقُولُ بِاسْتِحْسَانِ الْبِدَعِ أَوْ لَا يَقُولُ بِاسْتِحْسَانِهَا أَنَّ التَّرَوِيحَ كَانَ سُنَّةً كَمَا فَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صلاها فردا وصلاها مجتمعا بأصحابه وصلاها في المسجد وهذا لا ينكره أحد. Donc il y a personne qui nie parmi ceux qui prétendent que les bid'a sont, qu'il y a des bonnes bid'a, parmi les gens qui prétendent que le tarawih c'est une bid'a qui est bonne, hein, il y a personne qui contredit parmi eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est-à-dire le tarawih, il a prié individuellement, il l'a prié en groupe avec ses compagnons, il l'a prié dans la mosquée. Ça, il n'y a personne qui le renie. Hein? D'accord? Et les seuls qui renient cette chose-là, c'est les Rafida. Eux, ils renient cette chose-là. Hein? Donc, c'est pour dire, yani, qu'en réalité, ces gens-là n'ont pas d'argument dans cette parole de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Donc, ça résume le sujet de ce qui est relié à cette Shubha. La quatrième Shubha, c'est l'argument que Al-Shanqiti, Mohamed Mustafa Al-Shanqiti, il avait utilisé une parole attribuée à Omar ibn Abdul Aziz, le Khalifa. Et cette parole, c'est yani, tuhdathu linnas ou tahdithu linnas aqdiyatan biqadri ma ahdathu min al-fujur. C'est-à-dire que on invente, ou pas on invente, mais ou bien il arrive aux gens des procès ou des questions de jugement selon ce qu'ils inventent comme perversité. Donc il a utilisé cette parole de Omar ibn al-Khattab, pardon, de Omar ibn Abdelaziz, pour essayer de défendre la bid'a. Et quand on regarde bien comme il faut la parole en question de Omar ibn Abdelaziz, il n'y a pas il y a pas de support d'une bid'a quelconque dans cette parole-là en réalité. Hein? Excepté que lui, il l'a utilisé comme un genre d'analogie, en voulant dire hein, que les gens inventent hein, des choses dans la religion selon les péchés qu'ils font. Mais ça veut dire aussi, selon son analogie, que les gens vont inventer des choses pour le bien aussi, selon hein, ce qu'ils font, comme selon ce qu'ils ont besoin. Selon ce qu'ils ont besoin, ils vont inventer des choses dans la religion pour combler hein, ou faire qu'est-ce qu'ils ont comme manque ou des choses de ce genre. À la kulli hal, cet argument-là ne tient pas la route et c'est pas un argument solide du tout. Puisque les gens, par exemple, qui vont avoir des procès lorsqu'ils font qu'ils ont des problèmes avec des gens par rapport à des péchés ou à des ententes qu'ils n'ont pas respectées ou des choses qu'ils ont fait qui ne sont pas correctes, on va inventer des jugements pour eux, bien entendu, par rapport au principe de la charia, hein, par rapport au principe de la charia, selon ce que ces gens-là méritent comme règlement, hein, comme punition ou comme par exemple, comme le cheikh va donner des exemples, de toute façon, on va lire ça ensemble. Il dit, je connais personne, le cheikh, il dit, je connais personne qui a utilisé cette parole de Omar ibn Abdelaziz dans cette façon, de cette façon pour essayer de justifier les bid'ah. Et quand on regarde les paroles des ulama qui ont utilisé cette parole comme dans leurs écrits, hein, quand ils ont parlé de cette parole de Omar ibn Abdelaziz, ils en parlent en général dans les questions qui ont rapport avec les questions de but et d'objectif par rapport aux règles de la charia. Hein? Donc, si tu regardes dans les écrits des savants lorsqu'ils parlent des objectifs légaux dans la charia, hein, ils vont expliquer que ce que les gens font comme différentes transactions ou interactions, et quand ils font des choses qui ne sont pas correctes ou des injustices ou des péchés, on est obligé parfois de créer des nouvelles règles pour yani, gérer ces crimes-là ou ces injustices-là, hein, selon les principes et les règles de la charia. Donc c'est dans ce sens-là, dans le sens de qu'est-ce que les gens font comme injustice les uns envers les autres. C'est dans ce contexte-là que les savants utilisent cette citation de Omar ibn Abdelaziz. Et donc ici, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, il a répondu à cet argument en citant la parole de l'imam al-Shatibi dans sa réponse dans Kitab al-I'tisam. À propos de ces questions-là. Il dit, أولاً أن هذا قياس في مقابلة النص الثابت في النهي عن الابتداع وهو من باب فساد الاعتبار. Hein? Donc il dit premièrement, comme pour répondre à cet argument-là, on dira que c'est une analogie qui vient en opposition ou en présence d'un texte authentique qui est clair et explicite dans l'interdiction de toute innovation dans la religion. D'accord? Alhamdoulillah. Donc, on peut pas faire de d'analogie ou de qiyas sur une question lorsque cette question-là, elle est établie par un texte clair et explicite. Il n'y a pas de place pour les analogies à ce moment-là. Donc, d'essayer de faire des analogies pour justifier des bid'a alors qu'il y a des textes clairs et explicites qui interdisent la bid'a, ça c'est inapproprié, c'est inacceptable. D'accord? Donc, on considère même pas hein, cette analogie-là, elle est considérée comme étant fausse et corrompue depuis son fondement. Deuxièmement, الثاني أن هذا قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي يعني عن عمر بن عبد العزيز. Il dit deuxièmement, c'est une analogie qui est basée sur une parole qui n'est pas authentique ou qui n'est pas attribuée authentiquement à Omar ibn Abdelaziz lui-même. Et Omar ibn Abdelaziz, c'est un tabi'i, à la limite. Il n'est pas. Ou un tabi'i. Il n'est pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et. Yani, on ne peut pas utiliser une parole. Même si c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas utiliser une parole pour opposer ou contredire un hadith, hein, comme on l'a expliqué. الثالث أن هذا الكلام على فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز لا يجوز قياس إحداث العبادات عليه لأن كلام عمر بن عبد العزيز إنما هو في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم كتضمين الصناع أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرى دون مجرد الدعاوى فيقول أن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة فلما حدثت الضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم وهو حكم رادع لأهل الباطل على باطلهم فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه فإنه على الضد من ذلك ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور يعني طبعا المسائل التي إذا وقع فيهم الفتور on dirait qu'il y a une coupure. يعني طبعا المسائل التي ذكرها هي مسائل قياسية في باب العقوبات يعني وأهل العلم يعلمون مناطها. Ok, donc ici on va expliquer le point numéro 3. Il dit même si cette parole de Omar ibn Abdelaziz elle était authentique réellement, on n'a pas le droit de faire d'analogie en se basant sur cette parole-là pour essayer de justifier l'invention de bid'a ou d'innover des choses dans les adorations. Parce que le sujet dont traite la parole de Omar ibn Abdelaziz, ce n'est pas les adorations, mais plutôt les questions qui ont rapport avec les injustices ou les interactions entre les hommes. Dans les contrats ou dans, yani, par exemple, il donne des exemples, le cheikh, et il dit que lorsqu'on établit des jugements par rapport à quelque chose, on essaie toujours de déterminer les questions qui sur autour desquelles tourne le jugement qu'on va établir, hein, et de savoir par exemple les causes et les raisons et les références et les règles sur lesquelles se base le jugement qu'on établit. S'il y a des paramètres dans le jugement qu'on fait s'il y a des paramètres dans la question qui changent par rapport à qu'est-ce qui arrive entre les gens. S'il y a des paramètres qui changent, le jugement des ulama va changer aussi parce qu'il y a des différences dans les paramètres. Donc, c'est des questions que les juges et les ulama qui font des fatwas ou qui font des jugements, les juges qui font des jugements selon la charia, ils tiennent compte de ces changements-là et de ces différences-là. Et donc, ça n'a pas rapport avec les questions d'adoration, ça a rapport avec des questions dans les jugements ou dans les procès, dans les tribunaux, hein, et des choses de ce genre. Donc, il n'y a pas de place, hein, pour qu'on utilise, par exemple, ce genre de citation pour essayer de justifier des innovations. Et il donne des exemples. Il donne des exemples. Le cheikh, il dit que qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim a mentionné comme exemple ici? C'est des questions dans lesquelles il y a des analogies. Hein? Et quand il y a des analogies, c'est basé sur des paramètres. C'est basé sur certains paramètres. Et selon les paramètres, si les paramètres changent, les jugements vont changer. Et comme par exemple aussi dans les questions qui ont rapport avec les punitions aussi, eh bien c'est la même chose. Hein. Ils vont prescrire telle punition pour tel crime ou telle transgression et une autre punition pour une autre. Et ils vont déterminer la sévérité de la punition par rapport à la sévérité du crime. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est basé sur des paramètres. Et s'il y a des changements qui changent dans ces paramètres, eh bien, les changements, les choses vont changer. Mais ça n'a rien à voir avec la bid'a. Hein? Et il donne l'exemple des garanties qui ont rapport avec les artisans. Lorsque quelqu'un parmi les artisans signe un contrat avec quelqu'un pour faire quelque chose pour un travail. Hein? Comme par exemple, tu as engagé un menuisier pour réparer quelque chose dans ta maison. D'accord? Et tu as signé un contrat avec ce menuisier-là. D'accord? Et que ce menuisier, par exemple, il brise quelque chose en faisant son travail. Après, tu réalises que cette personne ne maîtrise pas du tout la menuiserie et qu'il fait n'importe quoi. Et donc, dans ce cas-là, il y a des garanties. Il doit payer. Il doit payer ce qu'il a brisé. Hein, et réparer ce qu'il a brisé. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle yani, at-tadmin ici. Et donc, il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Man tatabbaba wa yu'lam minhu tibbun fa huwa damin. Donc, si quelqu'un il pratique la médecine, wa lam yu'lam, hein, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa damin. Si quelqu'un se met à pratiquer la médecine alors qu'on ne connaît pas de lui aucune connaissance médicale, hein, que ce n'est pas un médecin, alors il est responsable de qu'est-ce qu'il fait. S'il nuit à la santé d'une personne ou lui fait du tort, hein, il sera responsable de qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il n'est pas médecin. Tandis que s'il est médecin et qu'il fait les choses comme il faut, mais qu'il arrive un accident ou que les choses ne se produisent pas comme selon ce qu'il avait yani, prescrit, eh bien, ou ce qu'il avait pensé, alors dans ce cas-là, il ne sera pas responsable parce que hein, c'est une personne qualifiée. À la Kullihal, il donne des exemples de ce genre. Il dit par exemple aussi dans les compagnies de contracteurs, il y a aussi ce genre de situation. Dans les compagnies de contracteurs, lorsque tu engages un contracteur pour faire un travail dans ta maison et que le contrat est prévu pour que le travail soit fini dans une année, d'accord? Eh bien, dans ce genre de contrat, il y a souvent des négligences qui se produisent, qui fait que les contrats ne sont pas respectés. Donc, les gens vont parfois signer plusieurs contrats en même temps. Les compagnies de contracteurs ils vont signer plusieurs contrats pour plusieurs travaux en même temps. Ce qui arrive à la fin, c'est qu'ils ont pris plus de contrats que ce qu'ils pouvaient et que parfois ils ne sont pas capables de respecter les engagements qu'ils avaient pris avec leurs clients. Donc, à cause de ça, il y a toujours il y a souvent des retards. Il y a souvent des retards dans ces choses-là. Le cheikh, il explique, il donne ces exemples-là, il dit, c'est des questions comme ça et des sujets comme ça qu'on peut c'est dans des sujets comme ça qu'on peut utiliser ce genre de règles qui ont été mentionnées par Omar ibn Abdelaziz dans ces questions de ces exemples-là. Mais ça n'a rien à voir avec les bid'a dans l'adoration et les questions religieuses. Donc, c'est ça ce que le cheikh il dit. Il dit: وَهَذَا الَّذِي حَمِلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِأَثَرْ عُمَرَ بِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ التَّوَقُّفْ فِي صِحَّتِهِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ إِلَى هَذَا الشَّاطِبِي يعني أيضا وإن لم يكن صحيحا فإن نصوص الشرع وقواعده العامة لا تبطل ما احتج به فيه أهل العلم في علم المقاصد الشرعية والأحكام الفقهية. Donc il dit donc que la parole de Omar ibn Abdul Aziz, hein, même si on n'est pas certain par rapport à son authenticité, mais malgré ça, yani, elle ne peut être, même si elle est authentique, elle ne peut être utilisée que dans les contextes des règles qui sont restreintes ou reliées à des sujets qui ont rapport avec les règles dans le fiqh. Et des questions d'objectifs de la charia, mais non pas dans les questions d'adoration. Et il a cité quelques exemples dans lesquels les ulama ont jugé par rapport, ont mentionné cette règle-là. Il dit, قال رحمه الله وهي ما هي يعني من القلة والسهولة فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى بخلاف ما نحن فيه فإنه على الضد من ذلك ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفطور في الفرائض فضلا عن النوافل. أي نعم. Donc c'est ça qu'il explique ici. Et c'est la suite de quand j'avais dit qu'il y avait une coupure là. Eh bien c'est ça. C'est comme si le cheikh il s'est arrêté pour faire une explication par rapport à ça. Puis là il reprend à partir d'ici. Lorsqu'il dit « Allah tara an al-nas iza waqa'a fihim al-futur fil fara'id fadlan an al-nawafil wa hiya ma hiya min al-qillati wa-s-suhula fama dhannuka bihim iza zida alayhim ashiya' ukhra yuraghabuna fiha wa yahudduna ala isti'maliha fala shakka an al-wadha'if tatakathar hatta tuaddi ila a'zam min al-kasal al-awwal » وإلى ترك الجميع انظر إلى هذا الرد. يعني فإن donc le cheikh ici qu'est-ce qu'il explique, c'est que il dit regarde la facilité de l'islam, la facilité des règles de la religion par rapport à qu'est-ce qui fait partie des obligations religieuses. La religion elle est facile et il y a pas beaucoup de choses obligatoires en réalité si tu regardes clairement dans l'islam. Les pratiques religieuses sont relativement simples et faciles à faire. Et si tu rajoutes à ça les nawafil, les actes surérogatoires qui sont légiférés et qui sont mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le Coran, eh bien déjà la religion, elle est complète. Hein? Tu as beaucoup de choses que tu dois faire dans ces enseignements-là et dans ces principes-là. Et même ça, les gens ne sont pas capables de faire tout, hein, de faire toutes les nawafil et de faire tout ce qui est sunna et tout ce qui est mentionné dans la religion. Donc le cheikh, son argument c'est quoi? C'est de dire, si tu vas rajouter à ça, alors que les gens ont souvent de la paresse et que parfois les gens négligent même dans les choses qui sont obligatoires alors qu'elles sont peu, et ils négligent encore plus les nawafil alors que yani, il y en a beaucoup, mais yani, même qu'est-ce qu'il y a, yani, il y en a qui les négligent, qui négligent beaucoup de nawafil. Alors si c'est le cas pour qu'est-ce qui est légiféré, si tu leur rajoutes par-dessus ça des innovations et des bid'as, hein, et tu les appelles à faire ça, parce que quand tu vois les gens qui font des bid'as, yani, ils pratiquent ces bid'as avec plus d'intensité et plus d'insistance que lorsqu'ils pratiquent les choses obligatoires de la religion. Hein? C'est-à-dire que tu ne vas jamais les voir abandonner une bid'a. Jamais. C'est comme si la bid'a pour eux, elle est presque... La façon, avec toute l'importance qu'ils donnent à la bid'a, on dirait même qu'ils donnent à la bid'a plus d'importance que même qu'est-ce qui est wajib. Hein? Parce que qu'est-ce qui est wajib, parfois ils vont le négliger. Et qu'est-ce qui est recommandé, mustahab, parmi les nawafil, eh bien ça, ils le délaissent encore plus. Mais les bid'a, ils ne vont jamais la délaisser. Donc, l'argument du cheikh ici, c'est de dire, si les gens négligent déjà ce qui est obligatoire, alors que c'est pas beaucoup et c'est facile, et encore plus les nawafil, hein, les choses surérogatoires et les choses volontaires, ils les négligent encore plus. Alors, si tu leur rajoutes par-dessus des innovations qu'ils doivent faire, hein, eh bien, là, c'est comme si c'est quelque chose qui risque par la suite de les faire délaisser complètement le reste des choses, hein, et d'abandonner tout au complet. Donc, c'est ça un des dangers des bid'ahs, et les salafs, ils ont mentionné ça. C'est que chaque fois que tu fais tu fais vivre une bid'a, tu fais mourir une sunna. Hein? Il dit fa in hadatha lil'amil bil bid'a wa huwa fi bid'atihi aw liman shay'ahu fiha fala budda min kasalihi an ma huwa awla. Donc si quelqu'un il pratique sa bid'a, hein, eh bien, c'est sûr qu'il va être paresseux de faire qu'est-ce qui est plus important que cette bid'a. قَالَ فَصَرَتْ هَذِي الزِّيَادَةَ عَائِدَةً عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهَا بِلِبْطَالِ وَلِخْلَالِ. Donc, c'est sûr que lorsqu'il va faire cette bid'a, eh bien, il va avoir des manquements dans ce qui est obligatoire et dans ce qui est recommandé, hein, et même qu'il risque complètement même de le délaisser complètement. وقد مر أنه ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. Donc il dit, on a mentionné déjà que il y a pas une bid'a qui est inventée excepté que elle va faire mourir une sunna. Hein? Et donc ça, c'est la réalité. Et donc parmi les arguments également qu'on peut mentionner, parce qu'on a mentionné les trois premiers points pour réfuter cette bid'a, le premier que c'est un qiyas alors qu'il y a un dalil, le deuxième c'est que déjà la parole n'est pas authentiquement attribuée à Omar ibn Abdelaziz. Troisièmement, on a dit que même si elle était authentique, eh bien, elle ne s'applique pas à l'invention d'innovation ou elle ne s'applique pas aux adorations. Et le quatrième point, c'est le suivant. Il dit يعني من أن القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق وعدم التشديد فزيادة وظيفة لم تشرع تظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن هي تشديد بلا شك فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام على فرض ثبوته عنه فتح السبيل إلى إحداث البدع. Donc le quatrième point que le cheikh a mentionné, c'est le point qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que yani, la parole de Omar ibn Abdul Aziz, elle contredit, hein, cette analogie-là, elle contredit un fondement dans la charia. Et ce fondement-là, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours cherché à rendre la religion facile et à rendre la religion simple, à ne pas compliquer, ne pas la rendre dure. Et le fait de rajouter des devoirs dans la religion qui n'ont pas été légiférés et que les gens vont pratiquer constamment, de façon permanente, eh bien ça, c'est de rajouter des difficultés, sans aucun doute, dans la religion. Et donc c'est ça. Donc, si c'était pas déjà à la base l'intention de Omar ibn Abdul Aziz lorsqu'il a dit cette parole d'imposer quoi que ce soit comme innovation dans la religion du tout. Mais ceux qui utilisent cette parole-là dans ce sens-là, eh bien, ça, c'est un argument supplémentaire pour prouver que cet argument-là est rejeté. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, le cheikh? Il a mentionné des paroles des ulama qui montre que leur application de cette parole de Omar ibn Abdul Aziz s'appliquait pas dans le contexte des bid'ah, et comment les ulama ont clarifié ça, c'est-à-dire comment ils ont expliqué la parole de Omar ibn Abdul Aziz. Et il a mentionné comme exemple, cheikh, la parole de Qasim ibn Isa ibn Naji al-Maliki dans son charh de Ar-Risalatul Qayrawaniya, Et il explique donc que, premièrement, c'est bien de noter ici que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, il cite des paroles de cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de d'autres parmi les ulama. Et on voit et on constate que parmi les méthodes des ulama et des hommes de science, c'est que lorsqu'ils vont réfuter des gens qui font partie ou qui appartiennent à un madhhab en particulier, comme ici la personne qui a écrit ce texte ou la personne qui a défendu la bid'a ici du Mawlid, c'était un Shanqiti qui est sur le madhhab al-Maliki. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramener des citations des savants qui font partie de ce madhhab-là aussi pour les réfuter. Hein? Et ça, c'est une méthode que les ulama utilisent souvent. C'est-à-dire que ils vont ramener des citations des savants du même madhhab que cette personne pour établir la preuve contre lui. Et ça, Ibn Taymiyyah, il l'a fait lui aussi lorsqu'il a réfuté ou lorsqu'il a clarifié les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah dans le livre qu'il a écrit, qu'on appelle Ar-Risalatul Marrakushiyya, hein, quand il a écrit ce livre pour les gens du Maghreb, eh bien, il leur a expliqué les règles et il leur a clarifié la position des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah, et il a ramené comme citation c'est-à-dire, il a ramené comme preuve les paroles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Mais ensuite de ça, il a également mentionné comme support des citations des savants du madhhab al-Maliki pour établir la preuve contre les gens de bid'a qui ont contredit la vérité dans ce sujet-là, parmi les Asha'ira et autres. Donc, il a ramené des paroles, par exemple, de l'imam Abu Omar al-Talmanki et également de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et d'autres également parmi les imams comme Ibn al-Majishoun et d'autres. Donc ceux-là sont des Malikis, c'est des imams parmi le madhhab al-Maliki. Alors ils utilisent les citations des savants de son madhhab pour le réfuter. Hein? Et ça va rajouter plus de force à la réfutation. Et comme le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il cite par exemple les paroles de l'imam Ash-Shatibi. Parce que Ash-Shatibi, c'est un maliki aussi. Il est maliki dans le madhhab. Donc, il le réfute par un savant de son madhhab. Également la citation qu'on a mentionnée de Razouk. Hein? Razouk, ou bien plutôt Zarouk, pardon, Zarouk. Parmi les ulama al-Malikiya aussi. Et là, maintenant, il cite les paroles de Qasim ibn Isa, Naji al-Maliki, Ibn Naji al-Maliki, qui a écrit un charh de Al-Qayrawani, Al-Risalatul Qayrawaniya. Donc, encore une fois, il se réfère à des savants Maliki pour le réfuter. Et il dit ici que, Qasim ibn Isa, il explique la citation de la parole de Omar ibn Abdul Aziz dans son charh. Et il dit: وفي معنى تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور قال معناه ما أحدث من الفجور مما ليس فيه نص. Donc il a expliqué que ce que les gens inventent comme perversité, c'est-à-dire dans les choses dans lesquelles il n'y a pas de texte explicite dans le Coran ou dans la Sunna. Et il dit: وقال التقي السبكي في الكتاب الذي ألفه في شأن رافضي جاهر بلعنة أبي بكر الصديق وقال فيه عدو الله فقتله القاضي المالكي وقال في هذه الكلمة بعدما عزاها إلى مالك بن أنس بلفظ يعني يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من الفجور لا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل بأحكام باختلاف الصورة الحادثة فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما وعلى هذا حمل حمل أو حمل التقي السبكي هذه الكلمة وذكر أنها منطبقة على قضية الرافضي نعم لكون صورتها مجموعة لصورة مجموعة يعني من إظهار سب الصديق في ملأ من الناس ومجاهرته وإصراره عليه وإعلاء البدعة وغمض السنة ونقل السيوطي هذا التأويل عن السبكي في الحاوي ومن هذه النقول donc ici le cheikh il mentionne que يعني le cheikh Qasim ibn Isa il a mentionné que ça veut dire que les gens donc ils vont inventer des perversités dans les choses qui n'ont pas été mentionnées dans les textes du Coran et de la Sunna et il donne comme exemple qu'est-ce que At-Taqi al-Subki a mentionné comme jugement dans son livre à propos d'un chi'i rafidi qui a insulté et maudit ouvertement Abu Bakr as-Siddiq devant les gens et il l'a appelé ennemi d'Allah alors le juge Maliki l'a fait exécuter hein? Et il a mentionné cette parole et il l'a attribué à Malik ibn Anas dans une, avec une autre expression une autre formulation, il dit que Anas ibn Malik a dit les gens vont on va inventer pour des gens des règles selon ce qu'ils inventent comme perversité. Hein, déjà cette formulation là, elle est plus claire encore. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non pas que les règles elles changent avec le temps, mais plutôt que les formes de dans lesquelles les crimes se manifestent évoluent et changent et plus les crimes que les gens commettent changent et se manifestent de façon différente et prennent des formes différentes, eh bien, on analyse. Quand on analyse ces crimes-là, eh bien, on réalise que les punitions ou les jugements qui vont découler de la charia vis-à-vis de ces crimes-là vont avoir des verdicts et des jugements différents aussi. D'accord? Donc, c'est les paramètres hein, qui changent, qui font que les jugements vont changer. Et c'est dans ce sens-là que la parole de Omar ibn Abdelaziz a été comprise par ces ulama du Madhab al-Maliki. Donc c'est ça. Et At-Taqi al-Subki, il a mentionné cette parole également et il a mentionné donc qu'elle s'appliquait justement au jugement de ce Rafidi, de ce Rafidi qui avait insulté Abu Bakr. Parce que il a laissé paraître, il a dit ouvertement une insulte contre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu devant un grand nombre de personnes. Il l'a dit ouvertement, il l'a pas dit en cachette, et il a persisté à le faire, et il a persisté également à élever une bid'a et à rabaisser la sunna. Hein, donc ça fait partie des paramètres particuliers. Lorsque des crimes sont faits de cette façon-là, eh bien c'est sûr que les jugements au sujet de ces crimes vont être différents. On est obligé d'ajouter des punitions nouvelles ou des restrictions nouvelles à cause justement des choses nouvelles qui sont inventées, ramenées parmi les crimes que les gens inventent. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est comme aujourd'hui à notre époque, par exemple, il y a des gens qui font des péchés ou des crimes de manière qui n'a jamais été fait dans le passé. D'accord? Peut-être que dans le passé, les gens allaient faire, par exemple, certains péchés d'une certaine façon. Et quand on les trouvait, on les punissait pour ce péché-là. Mais maintenant, les gens vont faire ces péchés-là, ils vont rajouter plus de gravité au péché qu'ils commettent. Ou bien ils vont faire ces péchés-là d'une manière encore plus laide que les gens le faisaient auparavant, ce qui rajoute à ce péché-là plus de gravité, plus d'égarement. Donc, les punitions que les ulama, les juges et les muftis vont établir par rapport pour punir ces gens-là, eh bien, ça va être des punitions nouvelles pour Yanni, que ça corresponde à la gravité du crime. C'est dans ce sens-là que cette parole s'applique, et non pas dans les bid'ah. dans la religion ou les adorations. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit وَمِنْ هَذِهِ النُّقُولِ يُعْلَمْ أَنَّ عُمَرَ بِنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ لَمْ يَقْصُدْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فَتْحُ بَابٍ فَتْحُ أَيِّ بَابٍ يُنَاقِدُ الشَّرِعَةِ. Donc on peut comprendre que par rapport à ce qu'on a expliqué, que Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah n'a jamais eu l'intention d'ouvrir une porte quelconque dans ce qui contredit la charia. Et donc on ne peut pas attribuer à Omar ibn Abdul Aziz d'avoir ouvert une porte quelconque pour l'innovation dans la religion. Wa huwa alladhi yaqulu hinama yubay' hinama bay'ahu an-nas ba'dama sa'ada al-minbar fa hamidallah wa athna 'alayhi wa qala ya ayyuha an-nas innahu laysa ba'da nabiyyikum nabiy wa la ba'da kitabikum kitab wa la ba'da sunnatikum sunnah wa la ba'da ummatikum umma ala wa innal halal ma ahallahu Allah fi kitabihi 'ala lisan nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam halalun ila yawm al-qiyamah ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة ألا إني لست بمبتدع ولكني متبع ولكني متبع. Donc le cheikh il dit la preuve également c'est l'exemple de la parole de Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah lorsqu'il a reçu l'allégeance, lorsqu'il est devenu le khalifa, il est monté sur le mimbar et il a glorifié Allah et fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite il s'est adressé aux gens en disant ô vous les hommes, il n'y a pas de prophète après votre prophète, il n'y aura pas de livre après votre livre, il n'y aura pas de sunna après la sunna, et il n'y aura pas d'autre umma après votre umma. Et il dit, ce qui est halal, c'est ce que Allah a rendu halal dans son livre et par la langue de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça restera halal jusqu'au jour de la résurrection. Et sachez qu'il n'y a pas de haram excepté ce que Allah a rendu haram dans son livre et par la langue de son messager. Cela sera haram jusqu'au jour de la résurrection. Et sachez que je ne suis pas un innovateur, mais que je suis un suiveur. C'est-à-dire, il n'invente pas dans la religion, mais il suit ce qui a été légiféré par le prophète sallam. Et il dit, et donc ça c'est suffisant comme clarification pour répondre à cet argument que le Mubtadi a utilisé pour essayer de justifier le Mawlid. Donc ça, c'est ce qui conclut ici le deuxième dars. On a terminé le deuxième dars et il nous reste le dars numéro 3 dans lequel le cheikh il réfute le cinquième argument qui a été employé pour justifier le Mawlid, et c'est l'argument il disait qu'il faut que l'Arabie Saoudite accepte de fêter le Mawlid Nabawi pour éviter que on l'accuse de ne pas respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des choses de ce genre. Ça c'est un argument assez futile comme argument, et le cheikh il l'a réfuté. Puis il mentionne également la réfutation vis-à-vis de ceux qui essaye de se référer à des citations coupées de Ibn Taymiyyah pour essayer de prétendre qu'il a approuvé des innovations. Donc il nous reste cette partie-là seulement. Et une fois qu'on aura terminé, je pense qu'avec deux cours, on pourra compléter, Inch'Allah, ce qui suit. Deux ou trois, parce qu'il y a beaucoup d'explications sont mentionnés, mais on pourra résumer tout ça inshallah en deux cours bi'ibnillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.